Ici Luc Simard, préfet élu de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est un moment privilégié où nous pouvons prendre le temps de célébrer avec nos proches. Profitez de cette période pour vous amuser, prendre un peu de recul et refaire vos forces. Pour 2019, le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine et son personnel vous souhaitent leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur et que la prochaine année vous permette de réaliser vos rêves les plus ambitieux. Joyeux Noël et bonne année! Ici Marie-Claude Tremblay, directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire Desjardins et Plaine Montréal. Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous remercier chaleureusement de la confiance que vous nous témoignez. Au nom des dirigeants et du personnel de nos deux caisses, meilleurs vœux de bonheur, santé et de prospérité pour la nouvelle année. Et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. À tous, joyeuses fêtes! Chez Dolbeau Auto, on salue la période des fêtes en grand avec le Silverado 1500 2018 à 0% pour 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle et soyez prudents pendant la période des fêtes. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-0580. On va faire un débat aujourd'hui, un débat qui va être le fun. D'abord, évidemment, ça parle beaucoup du retour du baseball à Montréal. Vous savez que je suis un des grands fans du retour du baseball à Montréal, mais il y a une personne qui a écrit dans le journal La Presse Plus, en fait, c'est Patrick Lagacé en fin de semaine. Patrick qui semble, en tout cas, selon ses écritures, plus ou moins d'accord avec ça. Donc, on va lui parler. Salut, Patrick! Salut! Et du côté des pauvres, ben, c'est peut-être la personne au Québec la plus partisane du retour des expos. Il est également fondateur de Expo Fest, que vous connaissez bien à Montréal et au Québec. C'est Perry G qui ramasse des fonds, évidemment, pour la maladie dont sa nièce a été victime. Salut, Perry! Salut boys, ça va bien? Ça va bien. D'abord, on va commencer avec Patrick. Patrick, je te lis depuis plusieurs mois, en fait, ben, pas tout à fait sur ce sujet-là, mais effectivement, les fois que tu as eu à écrire sur ce sujet-là, sur le retour des expos, tu sembles plus ou moins en accord avec ça. Pourquoi? Ben, non, écoute, moi j'aimerais ça que les expos viennent. Faut pas tout confondre. Ouais. Écoute, j'ai grandi en me prenant pour Bill Gullickson. En lançant des balles sur la maison de mes grands-parents parce que j'étais tout seul quand je me faisais garder chez eux. Je me rappelle quand Rick Monday a anéanti les espoirs des expos, les espoirs de championnat en 81, etc., etc. Je suis allé au stade. Sauf que aimer le baseball devrait pas être équivalent à « Ah, je veux à tout prix que les expos reviennent à Montréal ». Dans le baseball majeur, dans le sport professionnel majeur, il y a une réalité qui est celle-ci. Les équipes et les ligues sont devenues expertes dans l'art d'extraire des deniers publics aux autorités locales pour se faire construire des stades, que ce soit en tout ou en partie. Là-dessus, moi, ce que je dis, c'est que ça prend un débat. Et dans ce débat-là, face à une ligue, les Major League Baseball, qui ont fait 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2017, 13 milliards canadiens, moi, je trouve que c'est un peu indécent de leur pitcher de l'argent. OK. Perry. Ça, c'est juste ma position. Perry. OK. Donc, je pense pas, on a dit que, premièrement, au Canada, c'est pas pareil qu'aux États-Unis, on construit pas les stades puis les arénas autour du public, là, je sais pas où t'as trouvé ça, là. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est drôle, qu'est-ce qui est arrivé au Québec? C'est cette personne qui a demandé pour ça. C'est une chose, le plus niaiseux que j'ai vu dans ma vie, que tu construis une aréna sans avoir une équipe. C'est clair que nous autres, Bronfman, il a dit que on construit rien. C'est pas le Field of Dreams, build it and they will come. On a un promet, puis après, on va construire un parc de balles. Là, you know what? Ça va donner à l'économie, ça va donner au monde, là. Je pense au provincial, au niveau provincial, là, ils n'ont pas demandé au niveau de municipal, mais au provincial, il faut donner du cash parce que ça va redonner du cash. Il a jamais dit combien qu'il veut puis tout ça. Pour sauter sur sur le dos déjà des partisans des Expos puis le monde qui veut le baseball. Je pense que c'est un petit peu cart in front of the horse là. Il faut attendre pour voir qu'est-ce qu'ils demandent. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on donne des sous pour aider. Il n'y a personne qui va faire quelque chose pour rien. Puis, you know what? On parle de Steven Bronfman, un gars qui, sa famille, il est au Québec depuis une centaine d'années. On ne parle pas de Loria. Si le monde pense que Bronfman et Garber, il a déménagé de Las Vegas pour retourner au Québec. Pensez pourquoi? Pour payer un autre 50% d'impôts pour rien? Il a retourné parce que c'est un gars qui est fier des Québécois, c'est un gars qui est fier des business au Québec. Penses-tu que Garber et Bronfman sont là pour jouer un tour sur les Québécois? Come on, man. Mais Patrick, là-dessus, moi, la question que je te poserais, Patrick, là-dessus, c'est vrai. Pourquoi un débat quand on ne sait même pas ce qu'ils veulent? Pourquoi? Pour ne pas faire le débat dans l'urgence. Parce que si jamais il y a un club de disponible, et qu'il faut décider. La mairesse de Montréal, le premier ministre du Québec vont se faire dire, hey, écoutez, là, on a 30 jours. On a une fenêtre de 30 jours pour bouger. Ben, moi, je pense que ça peut mener à de mauvaises décisions. C'est ma crainte. Elle est là. Je pense pas qu'il y ait un appétit dans le public pour financer des ligues professionnelles, surtout après ce qu'on a vu à Québec. Et ce que ton interlocuteur, Danny, dit, c'est que c'est une chose stupide que de bâtir un aréna alors que t'as pas de club. C'est vrai que c'est stupide, mais il y a un club qui s'appelle les Rays de Tampa, présentement, qui joue dans un stade qui a été construit pour attirer une équipe alors qu'il n'y en avait pas, et il n'y en a pas eu dedans pendant 10 ans à peu près. Donc, c'est quelque chose que les villes ont fait, c'est quelque chose que les villes sont tentées de continuer à faire. Bâtir un amphithéâtre en se disant, écoutez, il est là, et il y a des équipes qui vont venir. Kansas City, c'est bâti un aréna sur des promesses assez sibyllines. Il fallait lire entre les lignes que la NBA allait y aller. Ah, il n'y a jamais eu de club. Kansas City, quand les Penguins de Pittsburgh ont voulu que les contribuables de la Pennsylvanie financent un nouvel aréna ou rénovent leur aréna, mais qu'est-ce que Mario Lemieux a fait qui était dans le ownership à Pittsburgh? Il est allé faire un pèlerinage à Kansas City. Pourquoi? Pour envoyer le signal que si on n'a pas de cash en Pennsylvanie, on va s'en aller. Puis là, je veux vous dire, l'histoire de l'argent public, messieurs, c'est pas juste pour l'arrivée du club. Si le club arrive, là, puis que ça va pas si bien que ça, comme ça allait pas si bien que ça à l'époque, on va en avoir un. C'est inévitable. On va avoir un chantage au déménagement. Patrick, là-dessus, puis après ça, je vais faire réagir Perry. Moi, ce que je reproche des gens qui sont contre le retour du baseball, c'est qu'ils regardent juste les passifs. Il y a des actifs, quand même, là. Puis il y a beaucoup plus d'actifs qu'il y a. Tout indique que les Rays vont déménager. Si les Rays déménagent à Montréal, les Yankees, les Red Sox vont être souvent en ville. Or, dans les pires années des Expos, ça passait de 4 à 25 000 personnes quand les Red Sox et les Yankees étaient là. Et ces gens-là venaient pas du Québec. Ils venaient de l'Est des États-Unis, venaient de Boston, venaient de New York. Donc, c'est des gens qui dépensaient en ville. C'est des gens qui consommaient des hôtels et ainsi de suite. La publicité, écoute, t'entends-tu parler de Oklahoma City aux États-Unis, à part que quand on parle des Thunder? Non. Donc ça, ça a un coût. Les gens passent. C'est ça que je reproche aux gens des... Mais Perry, Danny, si tu permets. Ouais. Okay? Moi, j'ai lu Field of Kings, qui est le livre du gars que je citais dans ma chronique là, tout récent, Neil DeMars. Ouais. J'ai lu des études d'économistes là-dessus. Le consensus chez les économistes, c'est que l'argent qu'on met dans des équipes professionnelles n'est pas un bon investissement. Et là, tu sais, quand tu me dis, il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Parfait, des gens qui viennent de l'extérieur. Ça veut pas dire qu'ils ne seraient pas venus autrement. Ça veut pas dire que parce que tu as quelques milliers de personnes qui viennent dans une année de Nouvelle-Angleterre, de New York pour voir leurs équipes préférées, ça veut pas dire que c'est un apport économique majeur. C'est pas parce que tu vois un restaurant plein que l'économie va bien. Tu comprends? C'est de la nouvelle argent qui arrive. Non, c'est de la nouvelle argent, peut-être. Mais est-ce que ça justifie un investissement de X dizaines ou centaines de millions? Les économistes, en général, quand ils ont fait des études scientifiques là-dessus, disent que ce n'est pas un bon investissement. Et à partir de là, les gars, on peut dire que la Terre est plate parce que nous, on la voit pas ronde. Mais ça veut pas dire que parce que le restaurant il est plein autour du stade, que l'économie va bien et que c'est un bon investissement public. J'oubliais l'impôt des joueurs, des visiteurs également. Mais Perry, là-dessus, réagis. J'aimerais ça que tu réagisses. Ben oui. La façon que Pat parle, il pense que Bronfman va demander 1 milliard du gouvernement du Québec. Là. C'est pas ça. S'il demande 200 millions, 300 millions, ça ne vaut pas la peine. Attends. L'économie, un investissement de 200 millions, 300 millions, penses-tu que ça vaut la peine? Je te demande ça, Pat. Est-ce que ça vaut la peine? 200, 300 millions, moi, là, regarde, ce que je constate, c'est que quand les économistes se penchent là-dessus, quand ils regardent, quand ils font des papiers qu'ils publient dans des revues scientifiques, ce qu'ils disent, c'est que l'argent public dans des stades, c'est un bon investissement pour les équipes et les ligues privées. C'est prendre de l'argent public pour le transformer en profit privé. Ça, c'est quand ils payent c'est d'une part. Et d'autre part, la Ligue de baseball majeure, en 2017, a fait 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires. La Ligue de baseball a les moyens de payer ses stades. Perry? Est-ce que tu n'as pas répondu à la question, par exemple? Est-ce que ça vaut un investissement de 200-300 millions? Écoute, il faut voir le projet. Puis moi, je te le dis, j'ai beaucoup de... Mais toi, t'es déjà négatif sur le projet. Tu sais même pas. C'est pour ça que je dis, attends pour voir qu'est-ce qu'on demande. Si tu demandes 200 à 300 millions pour faire les égouts dans un quartier qui n'est pas développé, c'est correct, je suis parlable. Si tu me demandes 200 à 300 millions pour faire le stade, moi, je suis contre ça. Oh boy. C'est pour ça, messieurs, que je dis qu'il faut voir quel est le projet. Et je commence à être un petit peu impatient parce que je vois pas c'est quoi les bonnes raisons présentement pour le groupe qui fait la promotion du retour du baseball à Montréal. Mais encore là, de ne pas nous dire quel est le projet. Mais encore là, j'ose espérer qu'on n'est pas en train de jouer l'horloge comme on dit en sport. J'ose espérer que t'es pas en train de nous amener jusqu'à la dernière seconde. Pour nous mettre devant un fer. Advenant que le propriétaire des Rays, Patrick, déménage à Montréal, OK? Es-tu d'accord avec moi que là, c'est le projet complètement différent? Parce que là, t'as le groupe à Bronfman d'un côté qui pourrait financer le stade avec Bell et ainsi de suite, et avec Alain Rossi. Et de l'autre côté, t'as le propriétaire qui déménage. C'est plus le même coup du tout. C'est pour ça qu'on dit, attendons. Mais Danny, tu parles d'un déménagement avant 2027? Ça peut fort bien arriver. Je suis convaincu que ça peut arriver. Moi, je suis convaincu que les Rays, c'est terminé à Montréal. Perry, expliquez-le. Moi aussi. Expliquez-le, Perry. Perry, pourquoi les Rays, la seule chance que les Rays pourraient avoir maintenant, là, à cause que Ibor il est fini, le centre-ville de Tampa, ils vont demander de construire juste à côté du Tropicana maintenant. Il n'y a pas de sens parce que ils font rien dans le vieux stade à cause que, pas juste à cause que la stade, c'est un chenoute, là, c'est à cause que le coin, c'est pas bon. So, de construire un autre stade à côté de l'autre, il n'y a pas de bon sens. Moi, d'après moi, je pense qu'il y a une bonne chance à déménager. Mais je veux retourner à un autre point que tu fais, Pat. Tu donnes pas beaucoup de respect à Bronfman et Garber. Hein? C'est comme tu penses qu'ils vont essayer de jouer un tour sur des Québécois. C'est impossible. Pourquoi qu'ils vont faire ça? Les autres font du cash en masse. Écoute, penses-tu qu'il n'y a pas d'autre affaire de faire? Hey, je veux lever d'une équipe de baseball pour faire plus d'argent. Colin, il y a des meilleures façons de faire de l'argent. Chacun joue sa game. Les hommes d'affaires jouent leur game. Les pouvoirs publics, l'hôtel de ville, le premier ministre du Québec doivent jouer leur game à eux. Fait que moi, je ne dis pas que... j'ai jamais dit que Stephen Bronfman et Mitch Garber était animé de mauvaises intentions. Je dis que le playbook de gens qui veulent des équipes, c'est d'aller chercher des fonds publics. C'est ce que je dis. Et là, M. Bronfman l'a dit. Il l'a dit, ça va prendre une contribution. Parfait, c'est quoi la contribution? Et encore là, il y a des programmes, tu te rappelles du sauveteur des expos à l'époque, Pat? Claude Brochu. Avec le Claude Brochu à l'époque, il y avait des programmes qui existaient, de l'argent que le gouvernement allait chercher. Bernard Landry avait investi dans des programmes, des enveloppes déjà faites, qui pouvaient... Donc, serais-tu pour ça? Écoute, sincèrement, je ne me rappelle pas du détail. Faudrait que je vois. Il y avait... La réponse à ça, je n'ai pas l'information. Mais si, advenons que c'est la même formule. Si on va chercher de l'argent public dans des enveloppes déjà existantes, est-ce que tu es pour? Écoute, ils ont mis de l'argent public dans un club qui a sacré son camp. Mais si tu te rappelles bien, mais s'il a été vendu à profit, par exemple. Et ça, c'est une autre affaire. Le club, les sports professionnels vont être vendus à profit. Regarde les concessions de sport actuellement, ça augmente continuellement. Québec n'a jamais perdu de l'argent sur les expos. Il n'y a pas d'histoire de ça. Mais les gars, je veux revenir à un truc que Perry a soulevé là, sur le bail. Vous, votre compréhension, c'est que malgré le bail qui lie la ville de Saint-Pétersbourg aux Rays jusqu'à 2027, malgré ça, vous pensez qu'ils pourraient déménager à Montréal? 2020. Puis ma question, c'est pourquoi? Parce qu'il veut, construire sur le terrain. Il veut faire un projet. Ils sont prêts à faire des projets. Des condos, des centres d'achat, je ne sais pas c'est quoi. Mais ils ne vont pas attendre un autre 10 ans pour développer l'endroit. Ou ils ont déjà dit. Ils ont déjà dit. Mais, ils vont développer avec ou sans les Rays. Mais vous comprenez que le bail qui garde l'équipe au Tropicana Field, c'est sortir. Là. Il est solide. Vous comprenez ça? Oui. Ouais. Pourquoi il déménagerait avant 2027 si la jamais ville doit l'autoriser et que la ville a dit non? Jamais. Parce que la Ligue de baseball ne va jamais laisser les Rays encore une dizaine d'années d'avoir 12 000 personnes, puis le monde va, le monde de baseball va rire des autres. Là. C'est clair qu'ils ne vont pas laisser ça. Okay. Ils ont dit qu'il faut régler le problème, mais ils ne vont pas laisser un autre 10 ans pour régler le problème. Ouais, mais il y a un bail légal qui lie l'équipe. Sont faits pour être cassés. On parlait de 17 millions. Tu vas payer un montant, puis tu vas partir. On parlait les montants qui sont prévus dans le bail sont de l'ordre de 2 à 3 millions de dollars selon les années. Okay? Et c'est vrai que c'est pas une grosse somme. Mais quand on lit, je sais pas si vous êtes familier avec l'annexe au bail qui a été signé en 2016, le seul moyen de casser le bail, c'est de s'en aller dans deux comtés en Floride, deux comtés voisins. Sinon, ce que Neil DeMaus de Field of Schemes dit, c'est la ville de Saint-Pétersbourg a fait beaucoup d'erreurs dans sa relation avec le baseball majeur, mais l'erreur qu'elle n'a pas faite, c'est de négocier un mauvais bail avec l'équipe. Il semble que c'est un des meilleurs bails à l'avantage des villes dans tout ce qu'on peut trouver comme bail liant des municipalités à des équipes professionnelles. Okay. Fait que ça se peut qu'ils décident de casser le bail, puis de s'en aller, puis de tenter sa chance avec les tribunaux, mais il semble que le bail soit si bien fait à l'avantage de la ville que ça va leur coûter une fortune de faire. On parle de 17 millions, et 17 millions, c'est pas beaucoup. Quoi qu'il en soit... Je pense qu'il y a raison, c'est bien plus que ça. Mais le fait, c'est que si tu veux développer l'endroit, tu vas trouver une solution. Tu vas pas... Si Tampa Bay dit, garde, on va laisser là jusqu'à 2027, puis on va laisser ça comme ça, Tampa Bay, à Saint-Pete, ils sont pas capables de développer la région. So, ils vont pas attendre. Ils vont dire, OK, guys, qu'est-ce qu'on peut faire? Donne-nous, I don't know, 100 millions, 50 millions, je sais pas le montant, puis c'est fini. On va vous laisser partir, puis nous autres, on va développer Saint-Pete, l'endroit où est-ce qu'il y a le Trump. Ils vont faire ça d'une façon à l'autre. Ils vont pas laisser, ni le baseball, ni le monde de Saint-Pete va laisser ce terrain-là pour une autre dizaine d'années avec les Rays en faisant 12 000 personnes par soirée. Là. Pat, tu m'avais demandé 15 minutes, il est 17 minutes, donc je vais te laisser. Merci beaucoup, papa, puis je vais te souhaiter de joyeuses fêtes, puis une bonne année, puis merci d'être venu un petit peu dans la fosse aux lions. Je pense que c'était le mandat d'être respectueux puis d'être poli avec toi quand même, puis je pense qu'on a réussi. Et on a tous réussi ça. Félicitations, les gars, puis joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Donc, Perry G et Pat Lagacé. Pat, je t'invite en 2020 au premier match au Stade olympique en passant. There you go. Merci beaucoup. D'optimisme. Merci beaucoup. Pat Lagacé et Perry G.